Ouais, j'ai plein les contacts, y'a zéro point sur le mi-père. J'y sors du bourget, c'est qu'on m'attend à CDG. Lunettes noires à CBG, parler derrière ses péchés. J'suis là depuis JCVD, depuis le lecteur DVD. J'fais semblant de la regarder, les meufs ça sent trop la garda. Un verre de trop c'est la cata, il me faut une femme comme la garda. Sans tant que ça tape à la porte, ignoré par ces fils de porc. J'aime pas les portes, j'me téléporte, tous les chemins mènent à aéroport. Si elle est bien, j'me maque avec, réaliste comme Machiavel. J'ai fui dans ma caverne quand j'ai vu tous les mecs qu'il y avait. Y'a pas de sous-métier, or et pétrole sous mes pieds. C'est mieux que vous vous soumettiez avant l'entrée au cimetière. Sourire en coin, car j'ai vu qu'elle y mettait du sien pour être invité. Vu que la carte est illimitée, c'est le vieux Wara, ne tirez pas. Si tu casses toi tu répares. Dans le 93, ça quêtera, c'est le tout puissant qui t'arrêtera. Dans le domaine, je suis passé pro, la faucheuse qui passe la porte. J'ai toujours Pascal Pro, mais je crois qu'elle cautionne Pascal Pro. Le produit dans la boca, passe au local à local.